J'ai pas le temps d'écrire des punchlines. Moi je suis posé au lycée à rien foutre. Je gaspille le time. On m'a dit tu vas perdre de points sur ta moyenne au lycée. Véridique quand tu changes pas de mode de taf. Toi-même tu sais. Mais franchement j'ai le stress et on me met la pression. J'ai écrit des j'ai peur comme je fais des compositions. Moi je dis fuck l'italien et le CNED. Les lycéens savent que devant tes devoirs tu rêves de Club Med. On est débordé mais on ne fait jamais rien. Fainéant, ouais peut-être mais ça me va bien. Ce que je vis c'est les 16 de moyenne en EPS. Passer 4 heures sur une copie pour avoir 4 points de moins que 13. J'ai pas le stress des examens, enfin pas maintenant. Moi j'oublie les soucis, mes problèmes de mouvement. J'ai pas le temps d'écrire et encore moins d'enregistrer. Franchement j'ai la flemme d'apprendre la vie avant j'y sais. J'ai pas envie d'ouvrir un bouquin mais de jouer à la PS3. C'est pas que l'éducation me saoule mais ces matières c'est pas pour moi. Les matières utiles, l'anglais, les maths et le français. On attend le soir, le sport, les vacances, en vrai. Donc nous mettez pas la pression, on fait ce qu'on peut. C'est juste qu'on nous en demande trop et qu'on en fait trop peu. Juste un minimum de temps d'amusement. Et si on doit bosser 2 heures par jour après les cours, pour nous la journée commence quand? On nous stresse trop, ça nous braque. Après 2 semaines de non-travail, welcome back. Les dissertes, les paragraphes me détruisent le cerveau. J'écris de moins en moins et c'est pas un problème de cerveau. Génération, je m'en foutisse. Alors on passe au vecteur dans moi. Je me suis arrêté avant A égale X. Mon anglais n'a toujours pas progressé, plutôt moyen. Un moyen de faire baisser ma moyenne. Cours d'italien, j'ai jamais blairé les cours de SVT. Un jour vous le paierez, rappelez-vous de ce que j'étais. C'est pas à 15 ans que notre avenir est tracé. Tu veux faire quoi dans la vie? Demandez à ma voyante, alors vous le voyez. M'en fous de vos questionnaires de rentrée. Je vais pas me faire bizuter pour être intégré. Nos délires, notre évasion. Je rêve de mettre un prof, une exclusion. Yeah. J'ai pas envie d'ouvrir un bouquin, mais de jouer à la PS3. C'est pas que l'éducation me saoule, mais ces matières, c'est pas pour moi. Les matières utiles, l'anglais, les maths et le français. On attend le soir, le sport, les vacances en vrai. Donc nous mettez pas la pression, on fait ce qu'on peut. C'est juste qu'on nous en demande trop et qu'on en fait trop peu. Juste un minimum de temps d'amusement. Et si on doit bosser 2 heures par jour après les cours, pour nous la journée commence quand? Yeah. On profite de la vie, c'est tout. C'est pas que les cours nous intéressent pas, mais on nous en demande trop. On est que des humains. Si on rentre à 18h30 et qu'on doit faire 2 heures de travail par jour, on mange pas, on va jamais dormir. Bref, on passe notre vie à taffer, à part le week-end. Pas envie d'ouvrir un bouquin, mais de jouer à la PS3. C'est pas que l'éducation me saoule, mais ces matières c'est pas pour moi. Les matières utiles, l'anglais, les maths et le français. On attend le soir, le sport, les vacances en vrai. Donc nous mettez pas la pression, on fait ce qu'on peut. C'est juste qu'on nous en demande trop et qu'on en fait trop peu. Juste un minimum de temps d'amusement. Et si on doit bosser 2 heures par jour après les cours, nous la journée commence quand? Pour nous la journée commence quand? Yeah.